Au baseball, on lance la balle. Tu peux vraiment lancer très fort. Dès le moment que c'est dans l'axe et pas trop haut, c'est bon. Et ça, moi, j'aime bien bourriner dans l'axe, pas trop haut. Au baseball, on frappe la balle. Au baseball, on court. Mais aussi au baseball, on mange des merguez et on boit des bières. Bon alors je vous rappelle les règles, vous pouvez pas quitter la première base avant d'avoir vidé une bière. Chaque point marqué une bière. Vous videz une bière à la fin des tours de frappe impair. Et à la quatrième manche, tournée générale. Hey, vous savez comment je vois Balmol. Je m'appelle François Lee, j'ai 26 ans, je joue au baseball depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé au Patriotes de Paris, puis j'ai fait un détour au PUC. Ensuite, j'ai joué un petit peu au Lynx d'Angoulême et je suis revenu au Patriotes de Paris. Je suis d'origine coréenne et le baseball étant le sport collectif national en Corée. Quand mon cousin est venu habiter chez nous, je l'ai accompagné au club de baseball. Ça m'a plu et finalement, j'ai continué et puis j'en suis arrivé jusque-là. Pourquoi j'ai choisi de jouer aux Patriotes? C'est tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait deux clubs à Paris, donc le PUC et les Patriotes. Le PUC est toujours actuellement le plus gros club de France. Nous, avec mon cousin à l'époque, on avait besoin d'un cadre qui était convivial, ce qui n'était pas le cas au PUC, puisqu'au PUC, les places étaient déjà prises, les groupes étaient déjà formés, donc il n'y avait pas vraiment de place pour nous immiscer. L'ambiance, c'est les Patriotes. Bah, c'est toujours bonne ambiance, quoi. Après l'entraînement, on va manger ensemble, on fait des soirées, histoire d'avoir un vrai esprit d'équipe, quoi. Les Patriotes de Paris existent depuis 1988. C'est une petite structure, c'est une association loi 1901. Nous, notre objectif pour cette saison, c'est de monter en National 1, donc en deuxième division. Du coup, on a une petite pression, mais on veut rester avant tout une bande de potes, mais une bande de potes qui s'entraînent dur et qui s'entraînent souvent ensemble, quoi. Bah, tu vois, ça me soulage de la pression du baseball professionnel. Dans ce milieu, si tu fais une petite erreur, boum, t'as la presse sur le dos. Je suis directeur sportif des Patriotes de Paris depuis 3 ans déjà. Et depuis cette année, je suis à la fois le président du club, mais aussi directeur sportif et aussi joueur. Le baseball pour les jeunes, organisé selon les règles en vigueur chez les professionnels. Une idée qui l'occupa d'abord dans ses moments perdus, mais qui rapidement lui prit tout son temps. Le cumul des casquettes, c'est le cas de le dire pour le baseball puisqu'on me porte des casquettes, c'est quelque chose qui me prend plus de 20 heures par semaine. C'est une activité quasi professionnelle. Dans la vie, y a pas que le baseball. Si, y a que ça. Chez nous, les Patriotes de Paris, c'est un style de jeu très offensif où on court beaucoup, où on vole beaucoup de bases. À la batte, on est très puissant. Regardez bien les mecs, ma batte magique. Et ensuite, au niveau du lancer également. Vous savez, Smithers, quand j'étais un jeune loup, nombreux étaient les gens qui comparaient mon fameux lancer en feuilles mortes à celui du célèbre Satchel Paige. On est une équipe plutôt très complète et on dispose à la fois d'un vivier de jeunes joueurs très motivés qui sont peu expérimentés, tout comme de joueurs plus expérimentés, mais qui sont tout aussi compétitifs. On n'a pas tous le même âge. On a pas, moi, par exemple, on a la vingtaine, admettons. Là-bas, on a la trentaine, quarantaine. C'est vraiment toutes les catégories d'âge, quoi. Donc c'est forcément, on va pas partir en soirée avec les mecs qui ont 40 ans. Et dis-moi, comment on joue au baseball? Je me rappelle pas. On est à pied sur un gazon ou alors on est à cheval? Au baseball, on marque des points en faisant le tour du terrain. Un diamant est en forme de carré avec 4 bases. Et quand on fait le tour et qu'on arrive à la 4e base, on met un point. On empêche l'autre équipe de marquer, justement en les empêchant d'aller sur base et en essayant d'éliminer leurs coureurs pour que les coureurs n'atteignent pas la base suivante et finalement la base finale qu'on appelle le marbre pour marquer le point. Tour à tour, les équipes jouent l'une au bat pour marquer des points, l'autre au champ en défense. En défense, il y a 9 joueurs, il y a le lanceur, le receveur, il y a un défenseur à chaque but. Entre la 3 et la 2, il y a un défenseur qu'on appelle le shortstop. Donc ça fait le lanceur, receveur, première base, deuxième base, shortstop, troisième base. Et ensuite, il y a 3 champs extérieurs. Champ extérieur gauche, champ extérieur centre et champ extérieur droit. Un batteur se place sur le côté de la plaque de but. Il essaie avec son bat de frapper la balle que le lanceur adverse lance à son propre partenaire l'attrapeur. Mon rôle en tant que joueur, en tant que frappeur 4, donc le frappeur 4, c'est le frappeur le plus puissant et le plus constant de l'équipe, le plus régulier. Donc moi, mon rôle en tant que frappeur 4, ça va être de faire rentrer tous mes copains qui vont être sur base et de faire rentrer un maximum de points. Eux, c'est ceux qui vont nettoyer les bases en principe, donc eux, ils ont pour fonction de sortir les gros swings et vraiment d'essayer d'envoyer la balle le plus loin possible. Ah, c'est ça, encore un peu plus vite. Putain. En défense, j'occupe le poste de premier but, première base. Là, tous mes copains, ils vont me lancer la balle pour éliminer le frappeur coureur. Et mon rôle, ça va être de rattraper le plus de balles possible, y compris les mauvais lancers. Donc, par exemple, le batteur frappe la balle, il court vers la première base. Le shortstop rattrape la balle, il la relance jusqu'en première avant que le coureur ait atteint la première base. Et il faut que le première base ait la balle dans le gant. Ça claque dans son gant, tac, avant que le coureur n'arrive. Et là, le coureur est mort. Je fais 1m83 et je pèse un bon 105 kg. Bon, on peut dire que je suis un gros bébé. Je peux dire humblement que je suis un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et comme parmi mes joueurs, j'ai beaucoup de jeunes qui sont assez athlétiques, assez élancés, qui n'arrivent pas à jouer aussi bien que moi, je leur dis souvent que vraiment Dieu est juste et que Dieu a créé ce sport pour moi. Parce que même un gros comme moi qui pourrait faire aucun sport, eh ben il a sa place au baseball et en plus c'est le meilleur joueur. Quand on joue au baseball, on est toujours tout seul face à la balle, on est toujours tout seul quand on passe à la batte, donc on valorise toujours l'action individuelle au sein du groupe. On a parfois besoin que des gens se manifestent, que des gens prennent la parole et que de cette façon-là, ils peuvent apporter au groupe. Alors, la communication, c'est vital, je dirais. Je l'ai. Il y a des balles qui ne sont pas faciles à estimer, donc il y a le chanson qui va y aller, moi je vais y aller aussi. Il faut toujours qu'on gueule, on est obligé de hurler « J'ai !» Sinon on se rentre dedans, encore hier à l'entraînement ça s'est passé moi avec le shortstop. J'ai. Je l'avais, il y a le shortstop qui arrivait sur moi en fait. Erreur de communication, la balle est tombée, on gagne des bases et c'est pas bon pour nous. Hey, je t'avais dit que je l'avais. C'est un comble, Simpson. Un coach là, qui fait des signes. Ça veut dire certaines choses. Tout le monde doit connaître certains signes. Si je veux une balle frappée légèrement, je ne me toucherai pas ma ceinture une fois ou deux, mais trois fois. Si je veux que. Oui, j'entrave que dalle, ce qu'il me raconte. Pourquoi il ne me laisse pas simplement frapper? Faut bien réfléchir au bâton, c'est pas juste je vais swinguer fort et je vais essayer de la toucher. Déjà, faut être patient, première chose. Quand on arrive au bâton, même si c'est une pastèque, elle est énorme, plein centre, c'est hyper frustrant, mais faut laisser passer. Regarder la vitesse. Faut connaître les situations de jeu, est-ce qu'il y a des coureurs sur base, est-ce qu'il n'y en a pas. Donc en fonction de ça, tu vas peut-être décider de frapper fort et loin ou alors de placer un amorti pour faire avancer des joueurs. Donc faut réfléchir. Chaque année en Amérique, les enthousiastes du sport attendent impatiemment les finales du championnat de baseball professionnel. Plus de 75 000 spectateurs se sont massés dans les tribunes du Yankee Stadium à New York pour y voir un seul match. Le baseball n'est pas un sport qui est très développé en France. Il y a un vrai fossé culturel entre par exemple les États-Unis, Cuba ou même les pays asiatiques qui pratiquent énormément ce sport et la France qui ne le pratique que très très peu. On n'est pas non plus au Yankee Stadium. Hein. C'est marrant puisque nous actuellement aux Patriotes de Paris, tous nos dirigeants, tous nos cadres sont d'origine étrangère. On essaie de tirer à notre profit les différentes nations, les différents représentants de chaque nation, de chaque culture que nous avons au sein de notre groupe. Notre manager américain va amener beaucoup de choses sur la discipline de groupe. Notre préparateur technique cubain va avoir une façon très sévère, très dure de faire beaucoup de volume, d'être très exigeant. C'est un baseball assez martial, assez dur. Et puis moi, de mon origine coréenne, on va jouer en match un baseball très stratégique. Et donc nous, aux Patriotes de Paris, on essaye d'être un petit peu un melting pot de toutes ces choses-là et de prendre un petit peu les meilleures choses dans toutes les cultures. Ça se passe bien, c'est des enfants. Salut les filles, comment ça va? Ça va. Je peux me permettre, moi je suis vieux. Chaque année, je prends de plus en plus de plaisir à jouer parce que je suis entouré de joueurs qui progressent, qui comprennent de mieux en mieux le baseball, qui comprennent de mieux en mieux les nuances dans la stratégie et qui aiment de plus en plus ce sport. Dans un sport amateur comme le nôtre, c'est ce qui est très beau, des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, ou même des moins jeunes, entre 25 et 35 ans, se retrouvent à pratiquer un sport qui ne leur donnera certainement pas une carrière professionnelle, mais qui cependant leur apporte une joie, qui leur apporte un épanouissement personnel. Et donc, ça me motive de développer une équipe et de faire en sorte que tout le monde ait un niveau de jeu supérieur pour qu'on puisse avoir une super équipe, qu'on puisse s'amuser, qu'on joue à un baseball de très haut niveau.